la bagarre. Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le Patrick, paye dans le S. Mon pote, il va gérer mes vêtements. MHD, ça tu prends les mecs de la rue. Je pense demander, laisse pas si t'as vu. Hey, mon ami, je vois l'enfant, aïe, fais bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mali. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11 ans, je vis ça à Barbeau. Gardez, appétit, parce que par j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, fais pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit. Gardez, appétit, appétit, appétit. Chap, chap in a bando. I don't wanna look like you. My young nigga with a Rambo, you be getting choked right through. Gotta have scrams in a block car, you know what a hood might do. Put my 150 niggas trap car, we don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Chap chap in a bando, I don't wanna look like you. Elle fait ça parce que tu parles pas, viens le texte. Tiens les petits qui parlent, moi voilà, faut que tu fais partie. T'es peut-être armé, chez nous y'a les bravas. Dans mon seul fils de pute qui parle, même des legs. Tous ces enfoirés, chez qui passe au moi, ouais, c'est pas ta menti. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à fouguette la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le merde. okay, okay. خاطر تلمون الحفل يديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تلمون يا قع قع قع قع قع قع تلمون الحفل يديروها والليلة ربلوها راهي أنا موت في خاطر تلمون في نهاري ما بقي في الليل نسكي connais le phénomène, ça va toujours les dégâts. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon caisson vient dans mon camp. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je dérange. Tout s'enchaîne, c'est des DJ case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête, t'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es plus d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous fais lever la foule. Bouge ton bassin, ton épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton cerf me regarde chez nous. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Star Rockets, balance le show, let's go. Didi, Mita, attention. Yo, yo, yo, yo, yo. Suprême sur Skyrock. C'est pour celle qui bouge avec est une écoute. Pas de tenter t'as le vertige, c'est pas la paix. C'est Rail Suprême Skyrock. Bébé, je suis bloqué, y'a pas de bled, mais je suis sur la côte. Y'a pas de blême, t'as du soleil et des nanas. Aucun leader peut me dire nanana. C'est des choses, c'est chaud. Voilà qu'avec lui c'est chaud. T'as tout cassé, battu sur la table pour tout casser. Comme ce venturier, t'as tout cassé. Amiga au platine. La banlieue est sortie, grosse table au carré vide. Y'a des bonnes meufs et jupies. Oula la la, oula la la, oula la la, c'est prêt. Oula la la, c'est prêt. Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle vie. Monica. quand je jouais les cadors, pas à la maison mais dehors. Et tu passais devant chez moi quand tu promets ton labrador. Monica, on y va. Monica, on y va. Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle Monica. Rosetta, Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle Monica. Rosetta, Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle Monica. Rosetta, Monica, t'es si jolie. Monica, nouvelle Monica. JK sur Skyrock. Cette semaine, Planète Rap te fait découvrir 4 Marseillais, 4 ghetto phénomènes. Ils étaient dans le Planète Rap de Jul et ont même fait un son avec lui. Tous les soirs de 20h à 21h, viens découvrir le groupe de rap marseillais Ghetto Phénomène. Freestyle, live et exclu dans l'émission rap de référence. C'est Planète Rap Ghetto Phénomène, en direct dans toute la France, sur Skyrock. Et en vidéo live sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée, je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, il y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci, le peuple Yax. Y-A-X. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Kaze, DJ Kaze. Agir wahdo, en kiri khino. Azawar, du gayouno. ولا ما هياش علاش في بالي DJ's d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. انا وانتي جامع من الحب وهو مش عنده بي في يدوب اللي دازو كان مكتوب حبك برضو خلاني مجنون مدوب وانا بوحدي زعف بلغ بيك نسيتي كلامك نسيتي وعودك انا ليك كنشوفك في خيالي وانا في طريقي غادي صرت قدامي حمقتيني بيبي قلبي طاح في هواك وانا عايم فيه هيه توحشك بزاف باش نفرح باش نشد باش نغني باش نخرج وانتي ما بغيت وما همني ما نعيش ولا صبرك فهمني خاسي فلوس خاسي حاجة معايا باش نبات وانا عندي ما نعيش ولا صبرك فهمني راني بين عشراني ولا حاجة تغلبنا وإلا كنتي ديما حاضر ديري ديك معانا يلي راسك عامر بارطاجي وعلمنا يلا نعيش الحياة La la la

شيب شيب عيني فاق قيام سمعني قاعد ساق مسكينش ما بيفاق ردوا ليامي وما اتفاق اللي الضو قدامي حرموني مش بابي واني كنت صغير عطفي الروح جوجوني شيباني ما كاين لاش ما كاين لاش اللي فاش مات هي مش جدادي هي مش زينجات خدوني احلامي حرموني حلاوة صغر خلوني نفاجي حياتي هادي ما عندي غير صبر ما كاين لاش ما كاين لاش اللي فات مات ليام جديدة هادي ليام الزينة جات Tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. I'm هنا بكي نشكي وأقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تعلم هنا بكي نشكي وأقول عنا شعبية الحالة بركاني العالي من اللي توحداني غلبوا براني كثير آلم فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي مغدى أنا بركاني العالي من اللي توحداني غلبوا براني كثير آلم فكرت بلادي وحيت النادي سهر ربي مصدانا خليك لي يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدادي فيها سربي كنا خليك لي يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدادي فيها سربي كنا جيوم سلهوم بلدي قمرة شحالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلدي قمرة شعالة أنا فرح وأنا غني أنا طير كي الحمامة غاي سوبريم مولي دزر سو سكاي روك Entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on frappe à balle et Dieu râle. Réputation sternise, c'est que des menaces qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace pas après, je m'en irai. Vivant, on lit devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend l'histoire. C'est un pétard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille ensemble. On rentre en France pour les tirs là-bas et se confier à ta l'infini. Tu sais que le chef des chefs il s'appelle Hosni. Rail suprême, deux heures, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. C'est bon, écoute. Et un babou

d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Ceux qui sont braqués sur moi, je veux être l'objet d'un choix, mais faudra-t-il faire désormais. Le tien me semble si mauvais. Suprême sur Skyrock. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, graine de sabbat. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Salut, c'est DJ Kays, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Skyrock. Le retour de ton cou, les fruits bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Yeah.

son du moment sur Skyrock. Sous-titrage Société Radio-Canada.

sale comme pute à bol. Normal, passe pas la charge. Normal, j'fume ma drogue. Normal, en cas de poursuite. Normal, j'cache la plaque. Normal, paire de hauts. Normal, impact en cadre. Normal, frère, tu es trop bizarre. J'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là. Elle est bonne brise là. Quand tu dévisages, j'ai pété le péage. C'est du l'Alonso dans le virage. Frère, tu es trop bizarre. J'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là. Elle est bonne brise là. Quand tu dévisages, j'ai pété le péage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Et quand ils volent, volent, volent. J'trouve qu'on sent ta misère, zère, zère. C'est ce que j'dis, zère, zère, zère. Trop trop bizarre, zère, zère. C'est mon chien, zère, zère, zère. Les contraires s'attirent, sont pleines manies. J'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps que la rue valide. Deux chauffements, s'en fout à madame. Les contraires s'attirent, pas d'amis. Minuit, deux heures, Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Sur la chair de ma chair, j'vous encule, j'en rigole. En BG, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des tonnes. En train de cramer, j'embrasse tous mes vaillants qui sont en tôle. Y'a la vie, y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du saut. Tout le monde a l'obligation de marcher. Dans ma tête, c'est le désordre. Surtout à l'auto, tout le quartier, car y'a Sky Rock. Ils sont pleins de manies, j'vois personne quand y'a pris ma part. Rien à foutre de temps que la rime valide. Tu sauf quand s'en fout à madame, les contraires s'attirent. Rail Suprême, deux heures, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'abuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoissez la petite, embête la bella. Et maintenant, coller la petite, coller, coller, coller, coller, coller la petite, coller, coller, coller, coller, coller la petite. Et moi j'ai pire, et moi j'ai pire, et moi j'ai pire. j'ai piaf, eh ouais j'ai piaf. J'veux ma biatch, gonfler ma liasse, poser dans l'iac, oh mamma mia. Eh ouais j'ai piaf, eh ouais j'ai piaf, eh ouais j'ai piaf, eh ouais j'ai piaf. J'veux ma biatch, gonfler ma liasse, poser dans l'iac, oh mamma mia. Je le sais, tu me trouves belle âme, mamzelle, mamzelle. Et qui de nous te tient parole, mamzelle, mamzelle. Le pouvoir d'achat qui t'assomme, à la guerre comme à la guerre. Pas besoin de me dire que tu sors, je le sais, ouais, je le sais. Baby. Sur Skyrock.